premier temps d'une nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à la bande dessinée avec un titre qui donne un programme. La BD entre dans l'histoire ce lundi dans La Fabrique. Ce n'est pas la première fois que la Fabrique de l'Histoire s'intéresse à l'histoire de la bande dessinée, mais nous en avons beaucoup parlé pendant cette semaine d'archives, d'origines de la bande dessinée ou encore de musées qui exposent des auteurs de bande dessinée. Et aujourd'hui, eh bien, avec Victor Massé-Dépiné qui a préparé cette semaine avec nous, la Fabrique reçoit le dessinateur Étienne Davodeau et l'historien Sylvain Venner qui sont co-auteurs tous les deux du premier tome de l'histoire dessinée de la France qui paraît mercredi dans une coédition La Découverte, la revue dessinée. Cette balade nationale, c'est son titre, fait faire le tour de la France contemporaine à six personnages emblématiques de notre histoire, Molière, Jeanne d'Arc, le général Dumas, Marie Curie, Jules Michelet et Philippe Pétain, un volume inaugural qui a pour ambition, comme toute la série, de raconter l'histoire de la France, mais en même temps l'historiographie de cette histoire. Le Père Noël est un objet publicitaire. Le soulier de Cendrillon est en carton. Oui, est beaucoup trop petit pour conduire un taxi. Et Milou, le petit chien, a jamais rien dit à Tintin. Blanche Neige est africaine. La belle au bois dormant vit au fond d'un HLM. Minnie et Mickey sont depuis longtemps divorcés. Et le rêve de Titeuf, c'est de devenir keuf. Princesse Sarah est un essai OGM croisé de la schtroumpfette et de la petite fille aux allumettes. C'est pour ça qu'elle a pas vraiment de famille qui l'aime, alors que la schtroumpfette au village tout le monde se l'est faite. Il est fini le temps des rires et des chants. Casimir a été ravagé par l'alcool. Y'a plus personne sur l'île aux enfants à part des nappes de pétrole. Fait sauter les cités d'or et Goldorak est otage en Irak. Les Pokémon sont en tôle avec les Dalton et Jeanne et Serge sont plus du tout amoureux. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Bonjour Victor Massé-Dépiné. Bonjour Emmanuel. Nous ouvrons cette émission avec les dessins animés, un titre de Thérèse qui déconstruit, pourrait-on dire, l'histoire des dessins animés et également l'histoire de la bande dessinée. Bonjour Étienne Davodeau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et bonjour Sylvain Venner. Bonjour. Effectivement, quand nous avons préparé cette émission avec Marie-Laure Ciboulet, notre réalisatrice, elle m'a proposé ce titre et je me suis dit tout compte fait que c'est pas un mauvais titre pour ouvrir notre série consacrée à la question de la bande dessinée qui entre dans l'histoire, Sylvain Venner, parce que on a tout de même l'impression que pendant des décennies, on a passé notre temps à déconstruire l'histoire de France et il est fini le temps des rires et des chants, dit dans cette chanson Thérèse, et on a l'impression qu'on est en train, avec vous en l'occurrence, de la reconstruire, mais différemment, Sylvain Venner. Je vous laisse la responsabilité de l'analogie avec cette chanson. mais oui, c'est effectivement, c'est le projet. On n'est pas les premiers à imaginer qu'on peut écrire l'histoire en bande dessinée. On ne va pas avoir cette prétention-là. On s'inscrit dans une histoire longue des histoires de France en bande dessinée, dont le modèle et le contre-modèle en même temps, c'est l'histoire de France en bande dessinée des éditions Larousse dans les années 1970. Mais effectivement, on prétend faire quelque chose de radicalement neuf. Et pour m'en tenir à ma spécialité à moi qui est l'histoire, radicalement neuf, en ce sens qu'on va essayer on essaye de réinjecter du récit dans une historiographie qui depuis 40 ans s'est employée, en tout cas, à déconstruire le récit national. Oui, donc réinjecter du récit, ça veut donc dire se dire que cette question du récit n'est pas si anodine que cela, il faut s'y colter quand on est historien aujourd'hui, alors que pendant longtemps on a dit bah, le récit c'était une construction, c'était une invention, une réinvention, et en particulier pour l'histoire de France, une réinvention des origines. Oui, c'est certain. Le problème, c'est que si ça n'est pas nous qui le faisons, les historiens professionnels, eh bien ce sera d'autres. Et c'est aussi une des ambitions politiques de cette histoire dessinée de la France que de redonner la main aux historiens de profession en leur demandant de prendre en charge la question du récit, en décalant un petit peu cette question, puisqu'il ne s'agit pas de reproduire un récit national. Alors vous avez vous-même, Étienne Davodeau, en tant qu'auteur de cette bande dessinée et depuis très longtemps travaillant sur la question du graphisme et de l'histoire, vous avez pris en main vous-même cette question de l'histoire. Vous avez travaillé avec des journalistes pour des enquêtes dessinées d'une histoire très récente, des années 70 ou des années 80. Et puis vous avez produit vous-même votre propre histoire d'une certaine façon depuis que vous avez commencé à travailler dans ce domaine il y a maintenant une trentaine d'années. Oui, je fais partie de ces auteurs de bande dessinée qui ont tenté d'explorer ce champ-là à travers la bande dessinée, le champ de l'histoire récente, le champ, et ça peut passer même par l'autobiographie. On dit, dans ces livres-là, en tout cas, moi, j'emploie beaucoup la première personne du singulier. C'est aussi un moment de l'histoire de la bande dessinée qui est intéressant, puisque depuis quelques années, elle s'autorise, les auteurs s'autorisent dans un espèce de... Il y a une confiance nouvelle des auteurs pour leurs propres médias, je crois, et ce livre-là, comme d'autres, c'est la preuve de cette confiance-là, mise en application en quelque sorte, et l'histoire de France est un excellent sujet pour ça, je crois. Oui, Victor Massé-Lépinay. Alors là, nous tenons en main le premier volume de cette histoire de France en bande dessinée, qui est signé par vous deux, Sylvain Venner et Étienne Davodeau. Vous venez de parler, Étienne Davodeau, d'un parti pris artistique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, peut-être, Sylvain Venner, la collection dans l'ensemble, qui est justement des volumes toujours écrits à quatre mains, un historien professionnel, vous l'avez dit, et en même temps un artiste de bande dessinée. Et c'est à deux que vous adaptez ou que vous écrivez ce récit et que vous le dessinez. C'est-à-dire que chaque album va être peut être assez différent du précédent. Oui, absolument. Il faut présenter cette collection. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, donc sommairement en deux points, je dirais que d'une part, elle a deux originalités. La première, c'est qu'il n'y a pas de scénariste, ou plus exactement, le scénario est coproduit par l'historien et l'auteur de bande dessinée. Donc, pour les historiens, c'est vraiment très enthousiasmant parce qu'ils n'arrivent pas comme experts. Sur un duo qui est déjà constitué d'un scénariste. Spécialiste des boutons de guêtre. Oui, c'est ça. Est-ce que le coffre au 15e siècle a bien cette forme? Non. L'histoire coproduit le scénario, donc ça c'est très intéressant. Et l'autre caractéristique de cette collection, et ça je voudrais y insister, c'est qu'on n'adapte pas en bande dessinée des livres d'histoire qui auraient déjà été écrits préalablement chez des éditeurs scientifiques. Ce sont des livres qui sont résolument originaux, parce que justement, ils ont été coproduits pour cette occasion-là. Il faut dire ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs qui se lancent dans ce marché de l'histoire en bande dessinée, mais la plupart du temps, il s'agit d'adapter des livres d'histoire préexistants, ce qui, à notre avis, est le signe d'un manque de confiance totale dans la bande dessinée. Puisqu'on se sert de la bande dessinée uniquement comme un outil de vulgarisation, alors que la bande dessinée, et ça Étienne l'a prouvé dans d'autres livres, c'est un art qui permet de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement. Oui, Étienne Davodeau, c'est une entreprise un peu particulière. Vous aviez travaillé avec Benoît Colombin à l'adaptation au travail sur une grande affaire de la Ve République, une affaire donc d'ailleurs toujours non résolue d'une certaine façon, mais vous avez là la nécessité de travailler avec un historien en la personne de Sylvain Venner. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que co-auteur de cette bande dessinée qui s'appelle donc La Balade Nationale, Les Origines, que d'avoir justement à vous frotter à cette question de l'histoire lointaine, à cette question de l'historiographie et à la mettre en image, parce que c'est à la fois l'écrire et la mettre en image? Bah, c'est un défi extrêmement stimulant. C'est-à-dire que quand je travaille avec Benoît Colomba, qui est grand reporter, et quand je travaille avec Sylvain Venner, qui est historien, ce sont des gens qui m'amènent une sorte de matériaux, de matières premières conséquentes, articulées, argumentées et solides. Et la mise en récit de tout ça se fait de façon très fructueuse, parce que c'est dense, parce que c'est... En fait, on a, dans ce genre de livre, on a plutôt le problème de savoir ce qu'on ne va pas mettre. C'est-à-dire que c'est tellement riche qu'on est obligé de faire un choix. Et puis, il y a aussi une dimension qui est très importante, c'est que ces gens-là, cette génération de journalistes, d'historiens, ont de la bande dessinée, une approche parfaitement décontractée, naturelle. Ils n'ont pas les méfiances que pouvaient avoir les générations précédentes. Et évidemment, ça amène une efficacité dans le travail qui est assez formidable. Et ce sont des expériences d'un point de vue artistique, parce que pour continuer sur ce que disait Sylvain, je crois que ce sont aussi des livres d'auteurs. Ce sont des livres qui sont réellement des livres avec des personnalités fortes. Je vois, moi, alors je ne suis pas aux manettes de la collection comme Sylvain, mais je vois les livres qui arrivent derrière, je vois des personnalités fortes, tant chez les historiens que chez les auteurs de bande dessinée. Et je crois que c'est très important. Ce sont des livres qui vont avoir un vrai relief. Oui, alors vous évoquiez tout à l'heure, Sylvain Venner, cette histoire de France en bande dessinée de chez Larousse, un extrait d'une archive d'interactualité du 1er octobre, c'était en 1976, presque à quelques mois près l'anniversaire de cette date-là, c'était il y a 40 ans, Jean Olivier, qui était responsable de la publication de l'histoire de France en bande dessinée chez Larousse au micro de France Inter. Je pense que cette histoire de France en bande dessinée constitue un événement. Et je soulignerai deux points, histoire de France en bande dessinée et publication Larousse. Pour moi et quelques amis qui nous battons depuis 25 ans pour la bande dessinée, cet événement est une consécration. Que Larousse, réputée maison sérieuse et qu'il est effectivement, sorte une histoire de France en bande dessinée, je pense que c'est une partie gagnée pour la bande dessinée. Voilà, attendez, je voudrais qu'on entre un peu dans le concret. On a dit donc en 24 numéros, vous allez traiter toute l'histoire de France. Ça me paraît un peu difficile. Il sera difficile de faire toute l'histoire de France. Je pense que nous voulons donner aux enfants, aux enseignants, aux parents, un certain nombre de repères, un certain nombre de jalons qui marquent l'histoire de France. Notre ambition n'est pas de couvrir toute l'histoire de France. Notre ambition est de démontrer que la bande dessinée aussi peut servir l'histoire de France. Alors vous présentez dans ces albums, dans le premier numéro du moins, surtout des batailles, des grands événements, des hommes de l'histoire. Mais l'histoire, ça n'est pas que cela. Vous n'allez pas montrer comment vivaient les gens ? Si, nous avons l'intention de montrer la vie des gens, la vie du peuple. Je ne pense pas que ce sont seulement les grands hommes qui font l'histoire, que ce sont les héros qui font l'histoire. Mais je pense que du fond de l'histoire de France, nous allons aussi voir sortir les forces vives. Il est très difficile, effectivement, de montrer exactement comment vivaient les Gaulois. Nous travaillons avec un pool d'historiens, et les historiens aussi sont partagés. C'est-à-dire que nous avons dû faire une juste part des choses, que nous héritons d'une matière brute donnée par les historiens, et que nous, scénaristes, nous devons transformer cette matière brute en matière vivante. Voilà, Jean Olivier, responsable de la publication de l'histoire de France en bande dessinée. C'était en octobre 1976 sur France Inter. Je vous rappelle que vous écoutez le premier volet d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée au rapport entre bande dessinée et histoire et bande dessinée. Victor Massé-Lépiné. Oui, on vient d'entendre certaines choses que vous avez évoquées, Sylvain Venner, des historiens. Et ensuite, un scénariste de bande dessinée qui s'empare de ces livres d'histoire déjà écrits pour les transformer en une histoire. Je suis allé rechercher le premier volume de cette histoire de France en bande dessinée de Larousse, qui est plus une histoire illustrée qu'une histoire en bande dessinée. Le monsieur qu'on vient d'entendre, Jean-Olivier, veut réhabiliter la bande dessinée, mais on est dans une illustration plus que dans quelque chose de véritablement artistique. Comme il a évoqué les Gaulois, on peut peut-être commencer par là. Ce premier volume de l'histoire de France de Larousse, c'était les Gaulois. Vous, le premier volume, ce sont les origines. Les Gaulois, c'est le deuxième volume. C'est une grande différence aussi. Ah oui, ça c'est une grande différence historiographique, c'est vrai. Mais on peut revenir un petit peu sur ce que dit Jean-Olivier dans les années 1970, parce que pour une part, on peut souscrire à son discours et en particulier à cette volonté de sortir la bande dessinée d'un ghetto dans lequel elle serait enfermée. Il faut dire tout ce qu'a représenté l'histoire de France en bande dessinée des éditions Larousse dans les années 1970, parce que c'est vrai. Et il faut aussi souligner toute la différence qu'il y a avec l'époque dans laquelle on vit. On ne prétend, nous, par exemple, absolument pas que la bande dessinée, c'est quelque chose qui doit s'adresser aux enfants. Ou alors, si ça doit s'adresser aux adultes, ce serait aux enseignants ou aux parents pour qu'ils puissent mieux s'adresser aux enfants. On est précisément après 40 ans d'histoire de la bande dessinée qui, enfin, il faudrait laisser la parole à Étienne là-dessus, mais qui a qui s'est adressé de plus en plus spécifiquement aux adultes et qui a transformé le médium. À quoi j'ajoute, ce que ne dit pas Jean-Olivier là-dedans, c'est que cette histoire de France des années 1970, elle est fondée sur... qui réunissait d'excellents dessinateurs. Manara, Victor de la Fuente. Des dessinateurs réalistes, essentiellement. Mais c'était des dessinateurs réalistes. Et il faut comprendre aussi que ce dessin réaliste des années 70, il collait à une certaine représentation de l'histoire. Et que travailler aujourd'hui avec des auteurs comme Étienne, comme Nicobi, comme Hugues Micole, comme Jeff Pourquier, qui sont en train de préparer les tomes suivants, c'est aussi faire appel à des styles graphiques qui sont extrêmement variés et dont la variété, précisément, permet de faire ressortir tout ce que l'historiographie elle-même a apporté depuis 40 ans. C'est-à-dire montrer que l'histoire, et surtout l'histoire nationale, l'histoire de France, c'est d'abord une affaire de point de vue. Étienne Davodeau. Oui, alors voilà, je me suis replongé évidemment dans les livres publiés par Larousse il y a quelques décennies. D'abord, il faut dire que ce sont des livres qui ont été importants pour beaucoup de gens de notre génération. C'est des livres par lesquels on a découvert l'histoire de France. Mais comme vous l'avez dit justement, et ça m'a beaucoup frappé en les relisant là, avant de commencer le livre que nous venons de publier, c'est très illustratif. Le texte prime l'image qui l'allège, qui le rythme, etc. Et c'est quelque chose à la fois dont nous venons de là, enfin, c'est-à-dire que cette bande dessinée était importante pour moi enfant, mais aussi que c'est quelque chose contre lequel maintenant nous travaillons. C'est un peu ambigu, mais c'est à la fois, on peut pas séparer les deux éléments. Notre livre à nous est narrativement très très différent. Oui, j'ajoute précisément ça, c'est que cette histoire de France en bande dessinée, alors il y a quelques exceptions, parce que là aussi c'est pareil, ça dépendait un petit peu des auteurs, mais dans l'ensemble, l'intrigue de cette histoire de France, c'est le récit national lui-même tel qu'il a été construit depuis le 19e siècle. Et pour répondre cette fois-ci à votre question sur les Gaulois, c'est précisément, on commence avec les Gaulois dans l'histoire de France en bande dessinée des années 1970, parce qu'on commençait avec les Gaulois dans l'historiographie du 19e siècle. Et on ne se pose pas la question de savoir quand l'histoire de France doit commencer. C'est pour ça que, d'une certaine façon, nous, on fait ce tome inaugural qui est aussi une forme d'hommage à Michelet. C'est-à-dire que par rapport à l'histoire de France, Lavis, qui commence d'emblée par la question du territoire, Michelet commence avec les Gaulois pour mieux dire que, en fait, c'est un indéterminé, en quelque sorte. Quand il nous parle de ces corps mous et blancs des Gaulois au début de son histoire de France, c'est pour expliquer que ce sont des embryons, en quelque sorte, que rien n'est fait, que le travail de l'histoire n'a pas commencé. Oui, c'est ce qui est quand même très intéressant, effectivement, c'est de mettre dans un Van Renault allongé, des personnalités aussi variées que donc Molière, Jeanne d'Arc, Marie Curie, le général Dumas, le père du romancier d'Alexandre Dumas, Michelet et le cercueil de Pétain, qui vont donc, d'une certaine façon, raconter cette historiographie et cette histoire de France telle qu'elle s'est construite au fur et à mesure du temps. Oui, on met en place une intrigue qui est délibérément fantaisiste ou loufoque, puisqu'on imagine que ces personnages sortent du néant, récupèrent le cercueil de Pétain sur l'île Dieu, ce qui est un fait divers qui a vraiment existé en 1973, et puis partent comme ça à travers le territoire. À un moment donné, ils sont poursuivis par le soldat inconnu qui a volé une moto, qui leur court après. Ce récit résolument loufoque, il a de multiples objectifs. Le premier, c'est de séparer très très nettement ce qui relève de l'invention de ce qui relève de l'histoire. C'est-à-dire que notre modèle n'est pas un certain roman historique où l'auteur comble les trous de la documentation par son imagination sans jamais expliquer qu'est-ce qui relève de la documentation et qu'est-ce qui relève de son imagination. Ici, on voit très bien la différence entre les deux. Et puis surtout, ça permet de mettre en place quelque chose de polyphonique. C'est-à-dire que ces six personnages, celui qui est dans son cercueil et les cinq autres, défendent en réalité des points de vue un petit peu différents sur l'histoire, peuvent être d'accord, peuvent ne pas être d'accord, ça peut aller jusqu'à l'engueulade, et ça permet de montrer ce à quoi on tient tous beaucoup dans le cadre de cette collection, c'est que l'histoire de France, ça ne doit évidemment pas être un roman, mais ça ne doit pas être un récit non plus, c'est plutôt le lieu d'un débat, et on doit faire entendre ce débat par des voix différentes et des situations différentes. Mais les voix de Jeanne d'Arc en particulier, Victor Massé de l'Épuisé. Alors, ils ont des points de vue sur l'histoire un petit peu différents, dites-vous, Sylvain Vénère. Des points de vue qui peuvent être parfois un peu anachroniques, puisque chaque personnage n'est pas incarné au point d'avoir lui-même une vision de l'histoire qui était celle qu'on pouvait avoir à son époque. J'ai un peu une question sur justement la matérialité ou la de ces personnages. D'où est-ce qu'ils sortent ces personnages ? Au début, Michelet dit qu'ils sont sortis du néant. Est-ce qu'ils sont sortis du passé ? Est-ce qu'ils sont sortis d'une histoire telle qu'elle a été écrite ? Ou est-ce qu'ils sont sortis peut-être de la main, de votre main, d'auteur et de dessinateur, en particulier Étienne Davodeau, puisque Jeanne d'Arc, au début de l'aventure, se regarde dans la lunette du rétroviseur de son van et dit je ressemblais pas vraiment à ça, je suis pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que déjà, le dessinateur qui dessine Jeanne d'Arc, il y a déjà là une question qui se pose à l'historien et au dessinateur. Bien sûr, c'est la question de l'image, c'est la question des images au sens même d'Épinal. La bande dessinée a d'ailleurs justement là une espèce de puissance au carré, puisque l'image étant sa propre nature, elle est tout à fait désignée pour parler des images de l'histoire de France. Et effectivement, la première fois que Jeanne d'Arc monte dans le camion, elle se regarde dans le miroir de courtoisie et elle est un peu déçue parce qu'elle trouve qu'elle ressemble pas à ça. Ça peut être vu comme une anecdote, simplement une péripétie du récit, mais ça pose aussi plus fondamentalement cette question-là, c'est-à-dire que de Jeanne d'Arc, on a très peu d'informations sur son physique. On connaît sa taille, vaguement sa coiffure, et un des témoins qui l'a vu avant sa mort dit qu'elle a de jolis seins. Voilà, des jolis seins, évidemment, c'est une donnée très très subjective, on est d'accord, mais on parle de ça, c'est-à-dire que c'est amusant, c'est une information absolument vérifiable et vérifié, mais en même temps ça pose fondamentalement la question de notre rapport à l'image, de la façon dont on doit nous créer ces personnages, à quel moment de leur vie on les fige, quelle liberté je m'autorise moi dessinateur pour me les approprier, pour pouvoir les animer pendant 110 pages avec Sylvain. Ce sont les questions qui sont à la fois de l'histoire et de la bande dessinée. Vous faites donc entrer dans un van Renault ces personnages de l'histoire de France. Vous n'êtes pas les premiers à avoir imaginé qu'arrive justement dans notre contemporain un personnage du passé. C'était aussi le cas de Raymond Devos dans les années 60. Il y a des choses qui sont tellement curieuses qu'on n'ose pas les dire. Jadis on se permettait les choses qu'on n'oserait plus faire maintenant. Jeanne d'Arc entendait des voix. Tout le monde trouvait ça normal. Allez dire maintenant, j'entends des voix, on va dire les fous. Ben moi, j'ai reçu un coup de téléphone curieux. Déjà, la sonnerie. Pas comme d'habitude. Je décroche, allô ? Qui est à l'appareil ? J'entends une voix de femme qui me dit, c'est Jeanne. C'est qui ? Elle dit la pucelle. Je ne connaissais pas de pucelle. J'ai dit, écoutez, je vous demanderai de préciser. Un petit Jeanne d'Arc. C'est une plaisanterie. Elle me dit, pas du tout, je suis une femme sérieuse, je voudrais vous parler. J'ai dit, je vous écoute, Jeanne. Elle me dit, pas au téléphone, on pourrait nous entendre. J'ai dit, où? Elle me dit, dans le jardin. Je raccroche, je vais dans le jardin. J'entends, vraiment. Je dis, où êtes-vous ? Je dis, je suis là-haut. Je voyais pas bien, j'avais pas mes lunettes. Ah, je dis, oui, je vois comme une petite flamme. Elle me dit, c'est tout ce qui me reste. Alors elle me dit, Raymond, vous allez aller à l'Élysée ? Je dis, oui, Jeanne. Vous allez voir le président de la République ? Je dis, comment on le reconnaîtrait ? Elle me dit, à vue de nez, c'est plus grand. Alors elle me dit, Raymond, vous allez dire au président de la République que son histoire de tunnel sous la Manche, moi, Jeanne d'Arc, je considère ça comme une offense personnelle. C'est pas la peine de les avoir rejetés par au-dessus pour les faire rentrer par en-dessous. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire consacrée à l'histoire de la bande dessinée à l'occasion de la parution, ça sera mercredi, de la Balade nationale Les Origines, premier tome donc d'une histoire dessinée de la France. Et nos deux invités avec Victor Massel-Lépinet sont Sylvain Venner et Étienne Davodeau. Donc il y a évidemment la possibilité de jouer de l'anachronisme en l'occurrence dans ce travail que vous avez mené tous les deux, Étienne Davodeau et Sylvain Venner, et de faire en sorte que ces personnages historiques soient dans notre contemporain. Ils s'en vont à Calais aussi, là où démarre justement le tunnel sous la Manche, Sylvain Venner. Oui, on les fait passer par toute une série de lieux symboliques, mais comme disait Étienne tout à l'heure, on a dû en éliminer beaucoup. On a, pour faire rentrer ça dans le cadre de, d'un livre. Ils vont à Calais, c'est l'occasion de réfléchir devant la statue de Rodin au bourgeois de Calais, et de revenir sur autre chose que ce que disait Étienne à propos des rapports entre histoire et image. Déconstruire et reconstruire le récit national, en réalité, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il s'agit fondamentalement de déconstruire et de reconstruire des images. Ce récit national, c'est en réalité une collection d'images, depuis Vercingétorix jetant ses armes aux pieds de César, jusqu'au taxi de la Marne, en passant par... L'image qu'on servit d'ailleurs au premier Astérix, lorsqu'on voit effectivement Vercingétorix en train de jeter ses armes sur les pieds de César, qui dit « ouche » ou quelque chose comme ça. Wap, voilà, en l'occurrence. Et qui ont servi bien avant au Manuel Lavis, qui recommandait qu'il y ait des images qui accompagnent le récit de l'histoire de France aux enfants. Ce qu'on essaie de montrer aussi dans ce livre, c'est que, est-ce qu'on ne peut faire que en travaillant avec des dessinateurs, c'est que ces images du passé national, on a un petit peu tendance à les considérer comme des fenêtres sur le passé, comme une sorte de calendrier de l'Avent qui nous raconterait toute l'histoire de France. Et il faut plutôt les voir exactement à l'inverse, comme des écrans. Ces images-là nous empêchent de nous représenter le passé, et il faut préalablement pouvoir savoir comment est-ce qu'elles ont été construites, comment est-ce que cette affaire des bourgeois de Calais en deux temps entre du 15e siècle et au 19e siècle nous délivre une leçon sur la guerre de Cent Ans qui n'est pas exactement celle du début du 14e siècle. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que parfois vous ne remplacez pas les images existantes par de nouvelles images. Par exemple, quand Jeanne d'Arc raconte le sacre du roi à Reims, le sacre de Charles VII, c'est Marie Curie, je crois, qui lui demande « raconte-nous, Jeanne, ce moment-là ». Elle raconte quelque chose qui est très visuel, qui est très spectaculaire. En une nuit, on installe tout, il y a la sainte ampoule, alors elle remonte à Clovis, etc. Et vous choisissez de ne pas illustrer ce moment-là. C'est-à-dire de ne pas soit mettre une nouvelle image à la place de l'image d'Épinal ou de Lavis, mais de laisser le récit et d'être toujours dans le présent du moment où elle est racontée dans ce van par Jeanne d'Arc. Oui, Jeanne raconte ça sur l'autoroute à 130 à l'heure, tranquillement, en se dirigeant vers Reims. Et ils ont l'intention de visiter la cathédrale de Reims, mais au moment où ils mettent le pied à l'intérieur, ils en sont empêchés par le rythme du récit, c'est-à-dire que des événements extérieurs se produisent, et donc ils ressortent immédiatement. Et c'est une façon aussi pour nous d'enchaîner des événements comme ça, parce qu'on avait aussi un travail narratif important. Il y a une intrigue dans ce livre. Oui. Il fallait qu'on mène une intrigue. La question de ces personnages-là, c'est que faire de ce cercueil du maréchal Pétain, déjà. Voilà, c'est que faire du cercueil du maréchal Pétain qu'ils ont eux-mêmes arraché à son sommeil à l'Île-Dieu. Et la question, c'est la légitimité du lieu où reposer ce cercueil. Et évidemment, Pétain, dans son cercueil, proteste, râle, bougonne. Et c'est ce qui, en général, enfin, c'est ce qui sert de carburant à ce récit, en quelque Victor sorte. Victor Massé-Lépinet. Mais il y a une intrigue qui est menée avec un rythme assez soutenu. Mais tout de même, pourquoi ne pas avoir, puisque j'imagine que c'est évidemment délibéré, pourquoi ne pas avoir représenté quelquefois l'image de l'histoire, quitte à corriger celle qu'on avait? Non, ce qu'on a fait, c'est qu'on a représenté des images qui étaient déjà présentes dans les manuels illustrés de la fin du 19e et du début du 20e siècle. La Roche de Solutré. Par exemple, ouais. La Roche de Solutré, puisque si on lit très très bien dans le gros livre Préhistoire d'Europe de Anne Leurf, qui nous a aidés sur des aspects préhistoriques dans ce volume-là, que ces images de chevaux qui tombent du haut de la Roche de Solutré avaient en fait perpétué pendant des décennies une représentation fausse de la chasse à l'époque paléolithique, cette idée que les hommes préhistoriques allumaient des feux, ce qui faisait fuir les chevaux en haut de la roche, et puis après les chevaux tombaient. Or, en fait, ce que montrent les études archéologiques au pied de la Roche de Solutré, c'est qu'il y avait au bas de la roche un immense centre d'écarissage qui était une sorte de site industriel qui a duré comme ça pendant des centaines et des milliers d'années, qui est très très différent de ce qu'on se représentait. Et la question qu'on pose, nous, c'est quelle est la responsabilité des images dans cette fausse connaissance? Puisque cette fausse connaissance sur la chasse au paléolithique, c'est d'abord une fausse connaissance qui est produite par les historiens, par les préhistoriens ou les proto-historiens, enfin, disons, les historiens. Mais finalement, on tend à les rendre moins responsables de cette fausse connaissance que les fabricants d'images qui, par la suite, l'ont perpétuée. Parce qu'il y a, on prête aux images une force incroyable dans la connaissance. Oui, donc ça n'est pas une reconstruction complète, parce que ce que suggère Victor Massé de l'Épinay, c'est que une reconstruction complète après la déconstruction, ça serait de reproposer de nouvelles images. Or, c'est ce que vous ne faites pas d'une certaine façon, Étienne Davodeau. C'est-à-dire que là, vous allez jusqu'à montrer la construction de ces images que nous avons tous en tête hein, par l'intermédiaire des livres d'histoire que nous avons pu lire, mais de ne pas reproposer une alternative qui, de toute façon, serait faussée parce que dans 30 ou 40 ans, on dirait tout compte fait, Davodeau a proposé quelque chose qui n'est pas exact au point de vue historique. Absolument. Et c'est une des dimensions qui est très présente dans ce livre et dans cette collection, je crois, c'est que nous considérons cette façon de traiter l'histoire de France par la bande dessinée non pas comme une fin en soi, mais comme un lieu de débat, comme une proposition de débat où qui est, je crois, très à jour des démarches les plus récentes de l'historiographie. Donc c'est simplement une sorte de mise à jour, mais c'est important pour nous que cette position-là reste ouverte. Donc c'est pour ça qu'on a adopté ce choix-là. Sylvain Bonner. Du reste, dans la scène de Jeanne d'Arc, Jeanne le dit, puisque un des interlocuteurs dans la voiture dit on dit qu'à la fin du sacre, vous vous êtes jeté aux pieds du roi en pleurant, et Jeanne prend un air un peu rêveur et dit « si on le dit, c'est que c'est vrai du collège de Garches qui chantait Vercingétorix, c'était dans les années 80 à peu près, quelque chose comme cela, et d'une certaine façon voilà qui nous permet d'aborder le deuxième tome de cette histoire dessinée de la France, Sylvain Venner, qui sera composé par Jean-Louis Bruno et Nicobi, qui sort bientôt, ça sortira en novembre, c'est ça ? Le 8 novembre. Le 8 novembre, ça s'appelle L'Enquête gauloise, et ça ne commence pas par Jules César. Ça ne commence pas par Jules César, ça commence par Massilia. C'est de Massilia à Jules César, ça finit par César. Et la première planche, donc construite par Nicobi, dans une sorte de dialogue avec Jean-Louis Bruno, historien justement de ces mêmes Gaulois, fait référence à Astérix et Obélix comme connaissance de base. Et Bruno dit à Nicobi, qui est en face de lui, bah, tout compte fait, c'est pas un mauvais choix que de commencer par Astérix et Obélix pour parler de cette question-là. C'est pas un mauvais choix pour une simple et bonne raison, c'est qu'encore une fois, il y a cette puissance des images et qu'une grande partie de notre imaginaire gaulois, aujourd'hui, on le doit à Goscinny et Uderzo. Et il est intéressant de faire réagir un historien là-dessus. On lui demande, par exemple, à Jean-Louis Bruno, bah, prenez les albums d'Astérix, quelle est la plus grande différence entre ce que nous présentent Goscinny et Uderzo et ce qu'on sait de la Gaule pré-romaine. Et Jean-Louis Bruno dit immédiatement eh ben la forêt. Hmm. Les paysages d'Astérix sont couverts de forêts. Il y a moins de forêts dans la Gaule de cette époque que dans la France d'aujourd'hui. Victor Massé de l'Épinay. Une autre différence qu'il aurait pu dire tout de suite et qui est évoquée dans votre premier tome, c'est le casque ailé que les Gaulois ont sur la tête, Vercingétorix. Mais Vercingétorix, Étienne Davodeau, enfin tous les deux avec Sylvain Ménard, vous avez précisément refusé de le représenter dans votre premier tome, puisque on ne saura jamais à quoi ressemble Vercingétorix, on le laisse à son anonymat quelque part. Oui, à la fin du récit, nos personnages passent par Gergovie. Michelet caresse l'espoir de enfin rencontrer Vercingétorix. qui est très intéressé évidemment par Vercingétorix, qui leur pose un lapin, il faut dire les choses clairement. Du point de vue de Vercingétorix, l'histoire de France, c'est pas son affaire. Voilà, c'est très clairement ça. Et ça nous permet malgré tout d'aborder ce sujet-là. Et évidemment, nous faisons en sorte de laisser le sujet même des Gaulois aux auteurs du livre suivant. On voulait pas marcher sur leur plate-bande en quelque sorte, mais ce rendez-vous raté avec Vercingétorix, c'est une façon de leur tendre le relais en quelque sorte. Et la question qui se pose, et on en a beaucoup discuté encore dernièrement avec Jean-Louis Bruno, c'est la question de savoir, comme pour Jeanne d'Arc, est-ce qu'on a des portraits de Vercingétorix? Alors les historiens débattent de cette question-là. On a deux pièces de Monet qui pourrait représenter le portrait idéalisé de Vercingétorix ou d'un via Apollon de quelqu'un qui serait un Vercingétorix stylisé, mais de toute façon ce sont des visages stylisés. Ça pose la question dont parlait Étienne tout à l'heure de la ressemblance des personnages, et c'est là qu'il me semble que la bande dessinée peut jouer un rôle. Soit vous décidez ce qu'on a fait de ne pas représenter Vercingétorix, il pose un lapin, soit vous prenez ce qu'ils font dans le tome 2, un Vercingétorix qui est en fait finalement ce portrait qui est le portrait de Napoléon III, en réalité, qu'on met sur la tête de Vercingétorix, ou alors de s'interroger, comme on le fait avec Jeanne d'Arc, sur les phénomènes de ressemblance ou de dissemblance entre le dessin et le personnage réel. Mais de toute façon, il y a quelque chose que la bande dessinée permet, et que l'art qui est peut-être le plus proche de la bande dessinée, c'est-à-dire le cinéma, ne permet pas. C'est de s'évader du corps des acteurs. Si vous incarnez Jeanne d'Arc ou Vercingétorix dans le corps d'un acteur, vous aurez beau multiplier les astuces, de toute façon, vous allez signifier une ressemblance. Oui, tout de même, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit depuis le début de cette émission autour de cette collection qui débute donc de l'histoire dessinée de la France. C'est le caractère extrêmement jouissif d'une entreprise comme celle-ci. Peut-être pour vous deux, je ne sais pas, Étienne Davodeau, Sylvain Venner, on a l'impression quand même que c'est d'un seul coup la capacité de faire sauter les barrières, de se dire bon, je suis prof à l'université, je suis un chercheur reconnu, mais là, je peux faire quelque chose que d'autres ne se sont pas autorisés avant moi, Sylvain Venner et Étienne Davodeau. Vraiment, c'est cette affaire de fantaisie, de loufoquerie, c'est que, et de refus du roman historique. En réalité, parmi toutes les façons un peu originales de raconter l'histoire aujourd'hui, toutes ces interrogations qu'il y a autour de la poétique de l'écriture historique, ce que permet la bande dessinée, c'est on peut aller très très loin dans la loufoquerie à partir du moment où on sépare bien ce qui va relever de l'intrigue absurde, mais jouissive, comme vous dites, Emmanuel Laurentin, et ce qui relève d'une connaissance dont, alors moi je prétends, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'elle n'est pas le contraire de la joie. Il y a dans l'érudition et dans l'érudition historique quelque chose qui aussi est de l'ordre de la joie, mais c'est pas les mêmes joies. Nous, on essaie de les convoquer toutes les deux dans le même ouvrage. Étienne Davodeau. Et puis il y a une autre dimension qui m'était à moi assez chère, c'est on voulait amener à ce récit, dans la tonalité de ce récit, une espèce de décontraction. L'histoire de France dans les derniers mois, par exemple, notamment lors d'une récente élection présidentielle, elle est l'objet de discussions, de débats, mais elle est aussi l'objet de crispations, de tensions, de raideurs. Et on prétend, nous, pouvoir évoquer l'histoire de France à travers une balade. Voilà, c'est une balade, c'est pas une croisade, hein. C'est vraiment une balade, et la décontraction et l'aspect un peu positif du récit est un élément déterminant à mes yeux. Victor Massé-Lépiné. On a écouté tout à l'heure en début d'émission les gens qui avaient fait l'histoire de France en bande dessinée de Larousse et qui parlaient de cette question qui agitait déjà les historiens, grands hommes contre anonymes. J'allais vous poser la question des anonymes dans l'œuvre d'ensemble telle qu'elle est prévue. Comment est-ce que les anonymes, quel visage on va donner aux anonymes? Et dans le premier tome que vous avez signé tous les deux, Sylvain Venner, Étienne Davodeau, il y a un anonyme qui sort de sa tombe, c'est le soldat inconnu. Un célèbre anonyme. Et alors vous avez choisi une image qui est très belle, c'est que finalement il a le visage masqué par l'écharpe tricolore du général Dumas, que le général Dumas porte à la ceinture et qui lui donne. Comme ça, le soldat inconnu, reste anonyme, et pourtant il est là, il exprime une voix collective. Comment est-ce que dans la suite de la série, cette question du peuple, cette question des anonymes va être abordée? De bien des façons et de façon très très différente selon les auteurs et selon leurs inventions justement un peu loufoques. Il faut comprendre que il s'agit pas de proposer une contre-histoire de France. C'est-à-dire que on va pas produire nous-mêmes d'autres images d'Épinal que celles qui existent depuis le 19e siècle. Donc l'idée c'est bien de reprendre cette série de repères, comme disait Jean-Olivier dans les années 1970, qui permettent de fixer les cadres de l'histoire. Sauf que ces repères, on ne cherche pas du tout à les sanctuariser, en quelque sorte. On n'en fait pas des choses indispensables. On les interroge. On se demande, le baptême de Clovis, ça représente quoi? Les bourgeois de Calais, ça représente quoi? Saint-Louis sous son chêne, ça représente quoi exactement? Et on ne cherche pas à produire non plus un contre-panthéon. Donc, on sort ces personnages-là, mais finalement, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Molière, ce sont pas du tout des inconnus de l'histoire. Et ça nous a posé un petit problème avec Étienne, c'est qu'on s'est dit, ok, on cherche pas à produire un contre-panthéon. Alors oui, on va chercher plutôt le général Dumas parce que ça nous permet de parler de Saint-Domingue, des Français venus d'ailleurs, etc. C'est intéressant, mais finalement, à l'arrivée, on va ne parler que de gens qui ont déjà donné lieu à des biographies, qui ont déjà des statues un petit peu partout en France, et ça, c'est un souci. Donc le soldat inconnu, il nous permet, il tient d'ailleurs ce discours-là, sur la place des anonymes dans l'histoire. Michelet tient un petit peu ce discours-là aussi. Moi, il y a une case que j'aime beaucoup, c'est quand le soldat inconnu qui a volé une moto prend Michelet derrière lui sur le porte-bagages. Parce que là, on a quelque chose qui correspond à l'histoire. Je ne sais pas, Michelet n'était pas un homme qui a eu énormément d'humour, mais j'aurais aimé savoir quand même ce qu'il aurait pensé de cette case-là. Et ça permet aussi d'interroger la question de la place des femmes dans l'histoire, puisque ce soldat inconnu est peut-être inconnu, mais par contre, on sait que c'est un homme. Donc ça relance tout un débat auquel participe Marie dans notre intrigue. Oui, Étienne Davodeau, une des questions qu'on peut se poser, c'est tout compte fait à reprendre le cadre traditionnel, à le faire exploser par la fantaisie. On est toujours dans le cadre traditionnel. La question, c'est comment faire que cette France, Sylvain Venner est co-directeur l'ouvrage qui vient de paraître sur l'histoire du monde au XIXe siècle, cette France mondiale que certains historiens tentent de décrire, prenne place dans une série comme celle-ci. Là, on est encore dans le Tour de France de deux enfants, fin XIXe. Oui, alors notre livre a un statut un peu particulier au sein de cette collection de 20 livres, puisqu'à partir du second tome, du deuxième tome, c'est-à-dire celui qui concerne les Gaulois, on sera dans une chronologie. Notre livre à nous, il pose cette question-là, en quelque sorte hors de la chronologie, de notre rapport à l'histoire et aux images de la France. Et évidemment, on s'appuie sur notamment cette balade nationale, c'est une balade à la Michelet en quelque sorte, et qui passe aussi beaucoup par la géographie, c'est-à-dire que parler d'histoire, c'est aussi parler de géographie. Et évidemment, on est sur le territoire national hexagonal pour précisément aborder ce sujet-là. Oui, moi je suis pas du tout d'accord avec la lecture que vous venez de proposer, Emmanuel. C'est que ce Tour de France n'est en rien un Tour de France qui ferait l'inventaire du territoire. On s'excuse auprès des Français du Sud-Ouest. Moi, je viens du Sud-Ouest. Nos personnages ne passent pas par le Sud-Ouest. C'est un artifice. Par contre, cet artifice qui les conduit à aller de haut lieu en haut lieu, ça va leur permettre justement de défendre l'idée qu'on ne peut pas enfermer la France dans le territoire. Ce que dit le général Dumas à un moment donné, que les gens qui font des tableaux de la France devraient sortir de leur cadre, qu'on ne peut pas dessiner l'histoire de France sans dessiner un palmier ou une orchidée, ou quand ils arrivent à Marseille, et pour faire directement écho à cette histoire mondiale de la France dont vous parliez tout à l'heure, il s'interroge en se demandant, face au port de Marseille, en pensant au Second Empire colonial, si on ne pourrait pas écrire une belle histoire africaine de la France. Mm-hmm. Victor Massé-Lépinay. Une question encore qui, sur la place de la place dans la série à l'aune de ce premier volume du 19e siècle, puisque le 19e siècle est quand même très important comme époque d'une histoire qui s'est écrite. Michelet a quand même, parmi les personnages, une place prépondérante. C'est quand même un peu le savant. C'est le le patron. C'est le patron, c'est lui qui explique. C'est l'historien qui est le patron. Hein. Oui, mais son autorité est contestée. Oui, c'est vrai. Et que ce soit les statues de Rodin ou les remparts de Carcassonne réhabilités, enfin ou restaurés par Viollet-le-Duc, il y a toujours cette question de l'histoire telle qu'elle s'est écrite au 19e qui est très présente dans les discussions et dans les débats des personnages. Mais alors il se trouve que moi je suis spécialiste du 19e siècle, mais le 19e siècle est quand même notre principal obstacle pour la connaissance des siècles antérieurs, ça c'est une certitude, et pour deux raisons. La première, c'est que l'histoire, d'une part, à ce moment-là, se constitue comme discipline et impose le récit national dont on peine à se déprendre aujourd'hui, et parce que c'est aussi le grand siècle de l'illustration. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'apparaissent, grâce à la gravure sur bois, grâce à la lithographie, grâce également pour beaucoup à l'école primaire qui devient obligatoire progressivement, ces images d'Épinal, le mot vient du 19e siècle d'ailleurs, qui forment en réalité la trame du récit de l'histoire de France. Étienne Davodeau, vous êtes entré dans cette aventure visiblement avec beaucoup de plaisir. Dans le coup, est-ce que ça vous donne envie, en tant qu'auteur, comme vous l'êtes, de bande dessinée, est-ce que ça vous donne envie de vous plonger sur d'autres périodes de l'histoire? Ce que vous n'avez pas fait, parce que jusqu'à maintenant, vous avez travaillé essentiellement sur le deuxième 20e siècle, on dirait, si on est un historien aujourd'hui. Absolument, j'ai beaucoup d'admiration pour mes confrères auteurs de bande dessinée qui sont capables de dessiner une ville au 15e siècle ou même des bateaux du 18e. Moi, je suis un dessinateur du monde contemporain. Et évidemment, cette histoire-là porte cette marque-là. C'est à la fois un choix graphique, esthétique, et puis aussi une espèce de... Comment vous dire ça? J'ai une liberté plus grande à dessiner le monde qui m'entoure parce que j'ai pas la question de la véracité. De la véracité. Voilà. Il m'arrivait parfois de devoir dessiner des scènes un peu anciennes. Je me pose la question de pour chaque objet, est-ce qu'il existait sous cette forme, etc. C'est un frein au plaisir du dessin. Pour ce qui me concerne, je sais bien que pour d'autres, c'est l'inverse, c'est une vraie stimulation. Ce qui fait que je suis vraiment un dessinateur du 20 et du 21e siècle. Oui, vous êtes très éloigné d'un autre dessinateur qui sera au cœur de votre documentaire, Victor Massé-Lépiné, un certain Jacques Martin, par exemple, dont on s'est dit effectivement qu'il pouvait être utile pour pouvoir mieux comprendre Rome et la période romaine pour les classes en particulier. Et vous l'avez trouvé, ce Jacques Martin, dans les archives? Oui, on est allé chez Casterman. Alors chez Casterman, pour l'histoire, c'est Jacques Martin, mais c'est aussi Tardy, qui est un des autres grands auteurs de bande dessinée historique, avec deux conceptions de l'histoire qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Pas tout à fait. Jacques Martin n'est peut-être pas si ringard ou si poussiéreux que ce qu'on veut bien dire quelquefois, mais il est vrai qu'entre Tardy et Jacques Martin, il y a eu une grande évolution. C'est cette évolution qui est un peu au cœur de notre documentaire de demain. Jacques Martin est donc l'auteur de « Alix ». C'est grâce à Sylvain Lesage que j'ai découvert les archives Casterman, parce que je cherchais moi-même un sujet de thèse, et lui m'a dit viens me voir, je t'emmène à Tournai, et puis tu vas voir par toi-même, mais ces archives sont extrêmement intéressantes. Et il y a une belle thèse à faire, donc on est venu ici, du coup, au sous-sol, là où on est actuellement, et on a été accueillis par Bernard Desmaël. Et puis moi j'en suis ressorti très très impressionné par l'ampleur des archives et puis très motivé par la perspective de travail. Ces archives racontent l'odyssée d'une imprimerie locale depuis la fin du 18e jusqu'à la fin du 20e siècle. Nous y trouvons effectivement l'histoire d'une entreprise, donc ses évolutions, ses ratés en termes éditoriaux, ses succès en termes éditoriaux. Ça c'est une lettre de qui ? Alors ça, c'est un petit texte que Jacques Martin envoie aux éditions Casterman pour présenter la série au libraire. Et il y a même une biographie qu'il écrit. Jacques Martin est né à Strasbourg le 25 septembre 1921 de père français aviateur et de mère belge. Je note que c'est donc bien un auteur franco-belge. Il fait ses études en Belgique, son service militaire en France et commence une carrière théâtrale à Paris après la guerre. Deux ans après, il commence à publier Alix en journal Tintin. Il collabore avec Hergé depuis 1954. Jacques Martin est marié. Il a une fille de 19 ans et un garçon de 12 ans. Il aime les chats et plus encore les chiens. Il aime aussi les voitures de sport. Il pratique le ski et le ski nautique. Il y a quelque chose dans la tonalité de cette biographie de Jacques Martin qui tente à montrer que la série et l'auteur peuvent se conformer à des valeurs de Casterman, qui étaient encore les valeurs de Casterman au milieu des années 60, qui sont les valeurs catholiques, peut-être conservatrice de la maison. Oui, bien sûr. que tout ça est bien sous tout rapport. Oui, c'est Casterman a longtemps été une maison bon chic, bon genre. Bien sûr. Mais alors, l'événement, le détonateur, c'est la balade de la mer Salée. Ça, c'est le détonateur de toute l'histoire de Casterman. Pourquoi ? Parce que moi, constatant, jeune éditeur, encore un peu incompétent, que ça ne se vendait pas, prêt, alors que je voyais que c'était une star, lui, le maître de ça ne se vendait pas, je me suis dit, voilà, on le met comme les Schtroumpfs, comme Lucky Luke, c'est un public enfant, il ne va jamais trouver son public, il doit être un public adulte. Et donc quand j'ai trouvé Pratt qui disait « Didier, je quitte Casterman parce que je gagne pas ma vie, là, c'est pas possible », je lui ai préparé une maquette, blanco comme on dit, de la balade de la mer Salée. Comme un roman, en version souple, je dis « Voilà, on va te publier comme ça, en noir et blanc, comme un romancier, et on va mettre dessus « roman », et en tout petit en dessous, en bande dessinée. » Et ça a démarré. Alors le sujet de la thèse ? Le sujet pour, temporaire, enfin le titre temporaire en tout cas, c'est Casterman, donc métamorphose d'un éditeur entre 1919, on verra si je garde cette date, et 1999, qui est la date de revente des éditions Casterman à Flammarion. Voilà quelques-uns des intervenants de votre documentaire que vous avez réalisé, Victor Massé de l'Épinay, pour La Fabrique de l'Histoire avec Marie-Laure Ciboulet, qui sera diffusée demain dans La Fabrique de l'Histoire. On voit qu'il y a un moment de naissance, en tout cas, celui du roman graphique, puisque c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique que vous faites aussi, Étienne Davoso. C'est comme ça qu'on appelle ça ? Je ne sais pas. À titre personnel, c'est une expression que je n'utilise pas. Bon, moi, mais comme ça qu'on vous qualifie. On peut, c'est un droit strict. Je fais de la bande dessinée. Ouais. J'ai pas forcément envie qu'on segmente les choses et la bande dessinée est une définition qui me convient parfaitement. Voilà. Et donc, mercredi, on diffusera une émission enregistrée dans un lieu d'histoire, un musée, en l'occurrence, le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Avec l'exposition sur René Goscinny qui s'y tient en ce moment. Voilà. Et puis, jeudi, on s'interrogera sur les origines de la bande dessinée et sur le moment où on a voulu chercher des origines à la bande dessinée quand elle est devenue un objet d'histoire. Histoire et historiographie à la fois. Merci à vous Étienne Davoso et merci à vous Sylvain Venner pour cette balade nationale, les origines qui sort en librairie mercredi. Premier tome d'une histoire dessinée de la France donc dont vous êtes les deux auteurs. Le deuxième tome sortira début novembre. Il est signé Jean-Louis Bruno et Nicobi. Ça s'appelle L'enquête gauloise de Massilia à Jules César. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Nous étions en compagnie de Emmanuel Morsdinkan à la technique et de Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.